عشرات الساعة les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الحمد لله الواحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد بحول الله عز وجل on continue avec cette silsila, cette série de cours concernant أشراط الساعة, les signes de la fin des temps. Et on avait parlé la semaine dernière de ce signe qui faisait partie des petits signes de la fin des temps, qui était ici l'apparition, yani des biens, yakthuru al-mal, jusqu'à ce que certaines personnes parmi les croyants voudront donner de l'argent et ils ne trouveront pas à qui donner cet argent-là. À cause de quoi? La profusion d'argent. Lakin, on en a parlé la semaine dernière. Et aujourd'hui, bihawlillah azza wa jal, on continue avec l'explication toujours du même livre concernant les signes de la fin des temps du shir Yusuf al-Wabil hafidhahu Allah ta'ala. Donc ici, on est avec l'apparition des troubles al-fitan. Ce n'est pas fait exprès. Lakin, c'est le sixième, comme il est relaté dans son livre. Ici, quand on parle de al-fitan, on dit plutôt al-fitna, d'accord? Al-fitan, jam'u al-fitna, c'est le pluriel du terme al-fitna. Quand on parle de ce terme, ou alors de cette chose qui est al-fitna, il faut bien la comprendre. Parce que on l'entend souvent autour de nous, al-fitna, al-fitan, etc. Walakin, beaucoup de frères et sœurs ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire ce terme qui est al-fitan ou bien al-fitna. Al-fitan au pluriel, c'est-à-dire, si on veut, les troubles. On va voir qu'est-ce qu'on dit les gens de science concernant ce terme al-fitna. Dans l'Isan ou l'Arab, ici dans ce dictionnaire très connu, et ici on le retrouve aussi dans al-bidaya ou al-nihaya, dans Fathul Bari, la même explication. Ici quand on dit al-fitan, الفتنه بمعنى الامتحان الابتلاء الاعتبار. Ici quand on parle de fitna, ici ça signifie une épreuve, un examen, un test, d'accord? Quand on parle de fitna, on parle d'examen ou bien d'épreuve ou bien on parle de test, d'accord? Et ces trois termes se réunissent, une épreuve, un examen ou un test. Allah subhanahu wa ta'ala nous teste. C'est un examen, il y en a qu'on vit, c'est un test, c'est une épreuve aussi quelque part. D'accord? Et je vais doucement pour que tout le monde comprenne bien qu'est-ce que ça veut dire, al-fitna. On continue. Ici, il dit toujours, dans les scènes où l'arabe, son utilisation est plus fréquente dans le sens de test, d'accord? En tant que notion de blâmable. En général, quand on dit al-fitna ou bien al-fitan, c'est pour mentionner une situation qui montre qu'on est dans un test ou dans une épreuve, mais c'est pour montrer une chose qui se passe qui est quand même blâmable. D'accord? Ce n'est pas simplement un test, une épreuve, mais une épreuve plutôt blâmable. Un test plutôt blâmable. Un examen plutôt blâmable. C'est pour ça qu'on dit quelquefois, concernant al-fitna ou bien al-fitan, ce sont des troubles. Ce sont des troubles. Et c'est pour ça, en général, les gens, quand ils utilisent le terme al-fitna, c'est pour montrer une chose qui est bonne ou mauvaise. Une chose mauvaise. Vous avez vu, mais à la base, on parle d'examen, d'accord? On parle d'épreuve, on parle de test, mais ici, qui penche vers ce qui est blâmable. C'est pour ça qu'on dit, il y a une fitna, où telle personne fait partie de ashab ou le fitan, des gens des troubles ou des fitan, d'accord? C'est pour mentionner quelque chose de blâmable. C'est alors qu'on l'utilisa pour toute chose blâmable, toujours dans l'islam ou l'arabe, pour toute chose blâmable, ou qui s'y apporte tel que le péché. D'accord? Al-ma'asiyya, la désobéissance, d'accord? Ou bien l'incroyance, le meurtre, la brûlure, et toute autre chose détestable. Donc on sait que c'est un test. C'est un examen, c'est une épreuve qui indique une chose blâmable. C'est ça, al-fitna, al-fitan, jam'u fitna. C'est le pluriel de fitna. On a compris. C'est un test, c'est un examen, c'est une épreuve ou bien c'est des troubles. Pourquoi des troubles? Ça nous rappelle directement à quelque chose qui est blâmable, mauvais, détestable. On est d'accord. Ici, le cheikh, il dit, je prends ses propos, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, nous informa que parmi les signes de la fin des temps figure l'apparition des grands troubles, des grands, ce n'est pas des troubles, des grands troubles, durant lesquels la vérité al-haq se mêle au mensonge al-batil ou au faux, de sorte que la foi vacille, au point que l'homme se réveillant au matin mu'min croyant, deviendra la nuit kafir mécréant, et que celui passant la nuit croyant mu'min se réveillera au matin mécréant. À chaque fois qu'apparaît un trouble, une fitna, al-mu'min, le croyant, dira, celui-ci sera ma perte. Et dans une version, le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que al-fitan, ils vont se succéder l'une après l'autre. L'une après l'autre. Sunnatullah. Ça, c'est un décret d'Allah Azza wa Jal. Ça, on peut pas dire quand on voit al-fitan, oui, mais pourquoi? C'est dommage, c'est triste. Certes, walakin, c'est une réalité. Qu'Allah Azza wa Jal a voulu, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que cette vérité, c'est-à-dire ou plutôt cette réalité, ait lieu. Et particulièrement vers la fin des temps. Et plus on s'approche de la fin des temps, et plus les troubles, les fitan, vont augmenter. Et les fitan, les troubles seront de plus en plus grandes, jusqu'à ce que le croyant dira, celle-ci, d'accord, cette épreuve-là sera ma perte, khlas. Celle-ci sera ma perte. Mais il se dissipera, un autre viendra et il dira, celui-ci, c'est celui-ci. Ainsi, les troubles ne cesseront d'apparaître parmi les gens jusqu'à la venue de l'heure. À chaque fois qu'il y aura une fitna, le croyant dira, ça y est, khlas. Cette fitna va causer ma perte. Cette fitna va causer ma perte. Et tellement qu'il y aura al-fitan, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, certains dormiront croyants, ils se réveilleront mécréants. Et vice versa. Certains se réveilleront croyants et ils dormiront mécréants, wal'iyadu billah. Et les gens, quand ils verront le fitan, tellement que ça sera des grandes épreuves, de grands troubles, ils diront, celle-ci sera ma perte. Elle va se dissiper et automatiquement, tout de suite après, une autre fitna va arriver. Et ce signe de la fin des temps, qui fait partie des signes de la fin des temps, c'est un signe qui a déjà eu lieu. C'est un signe qui a déjà eu lieu et qui ne cesse de se passer au jour d'aujourd'hui. Parce qu'on avait dit que Ashratu Sa'a, les signes de la fin des temps, se décomposent, si on veut, en trois catégories. Il y a les signes, petits signes qui ont eu lieu déjà et qui n'existent plus à notre époque. À titre d'exemple, la mort du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, la venue du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il y a les petits signes qui ont eu lieu et qui ont encore lieu au jour d'aujourd'hui, comme par exemple ici al-fitan. Et il y a les grands signes de la fin des temps qui vont venir et qui n'ont pas encore eu lieu. D'accord. Abu Musa al-Ash'ari rahimahullah ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa arda rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il y aura avant la venue de l'heure al-fitan, des troubles, tels des parties de la nuit sombre. L'homme se réveillera croyant le matin et sera le soir mécréant, et il passera la nuit croyant et se réveillera au matin mécréant. Celui qui est assis, écoutez bien maintenant khlas, on a compris ce que c'était que al-fitan, d'accord, des troubles, des tests, des épreuves qui indique le caractère blâmable de ce test, de cet examen, de cette épreuve. Pour montrer quelque chose, où on mentionne al-fitna pour montrer un examen, un test, des troubles qui sont blâmables, détestables. On a compris. Comment réagir quand il y a al-fitna, ces troubles-là? D'accord? Et quelle est la solution ou le comportement que doit adopter le croyant? C'est ce qu'on va voir, bihaoulillahi azza wa jal, avec preuve du Coran et de la Sunna, bifahmi salafil ummah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui est assis lors de l'fitan, celui qui est assis sera meilleur que celui qui est debout. Et celui qui est debout sera meilleur que celui qui marche. Et celui qui marche sera meilleur que celui qui court. Après, le prophète alayhi salatu wassalam dit, brisez donc vos arcs, coupez les cordes de ces derniers et frappez de vos épées la pierre. Si l'on entre chez l'un d'entre vous, qu'il soit-elle le meilleur des deux fils d'Adam, alayhi salatu wa salam. Ici, c'est un hadith rapporté par l'imam Ahmed, authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans Sahih Al-Jami'a. Qu'est-ce que ça veut dire ce terme du prophète alayhi salatu wa salam ou ces termes? Celui qui est assis lors des épreuves, al-fitan. Celui qui est assis est meilleur que celui qui est debout. Celui qui est debout est meilleur que celui qui marche. Que celui qui marche ou celui qui marche est meilleur que celui qui court. Brisez donc vos arcs, coupez les cordes de ces derniers et frappez de vos épées la pierre. Si l'un d'entre vous ou si l'on entre chez l'un d'entre vous, qu'il soit tel le meilleur des deux fils d'Adam. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala al-Asqalani, il dit, ça c'est une mise en garde claire contre le fait de participer ou d'être la cause de l'fitan. D'accord? Et il dit, à partir du moment où une personne est la cause de l'fitan, d'accord? Il est encadré par ce hadith. Il est encadré par ce hadith. Et plus il fait, yani il répand la fitna, et plus les gens qui sont autour de lui s'accordent avec lui dans cette propagation de la fitna, et ici se réunissent avec lui, ici ils sont considérés par ce hadith. Et le prophète alayhi salatu wa salam leur dit que celui qui est assis est meilleur que celui qui est debout, c'est-à-dire que celui qui est loin, loin, loin de la fitna, c'est-à-dire plus tu es loin des gens qui causent et répandent la fitna, et plus tu es loin, d'accord, d'être la cause de commettre la fitna, et mieux c'est pour toi. Quand tu es un peu la cause, d'accord, de commettre la fitna, tu es considéré par les propos du prophète alayhi salatu wa salam quand il dit, celui qui est debout, d'accord, ou celui qui est assis, est meilleur que celui qui est debout. Khlas. Walakin, n'empire pas ton cas. Si tu te lèves, c'est-à-dire tu empires, tu es encore plus la cause de la fitna qui se passe, ici le prophète dit, celui qui est debout est meilleur que celui qui marche, d'accord? Celui qui est debout, qui transmet ou propage la fitna, un peu, est meilleur que celui qui la propage beaucoup, est meilleur que celui qui marche. Celui qui marche sera meilleur que celui qui court, même celui qui la propage encore plus, mais il restera meilleur que celui qui la propage énormément. Ibn Hajar, il rappelle que quoi? On doit s'éloigner au maximum de la fitna et d'être la cause de la propagation de cette fitna. Et tu dois t'éloigner au maximum des gens qui causent la fitna. Car quand la fitna, elle tombe, c'est une dure épreuve. Al-fitnatu ashaddu min al-qatl. Et le prophète alayhi salatu wa salam a rappelé quel comportement doit avoir le musulman. Et il dit, il rappelle aussi, si l'on entre chez l'un de vous, qu'il soit tel le meilleur des deux fils d'Adam. C'est-à-dire qu'il ne soit pas parmi celui qui tue. D'accord, les deux fils d'Adam. Il y a Qabil et Habil. D'accord? C'est qui a tué qui? Qabil ou al-Qatil. Qabil, c'est celui qui a tué. Donc le prophète alayhi salam dit, si on entre chez l'un d'entre vous, ne soyez pas comme Qabil. C'est-à-dire celui qui tue. Celui qui commence. Celui qui provoque. Celui qui répand la fitna. Mais soyez comme l'autre qui était meilleur. C'est-à-dire Habil. Khalas. Il s'en est remis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, et il nous rappelle ici de ne pas répondre au mal par le mal. Et il dit alayhi salatu wa salam, brisez donc vos arcs, coupez les cordes de ces derniers et frappez de vos épées la pierre. C'est-à-dire pour délaisser les armes. Yani, parce que quand il y a le fitan, le fait de répondre au mal par le mal, ça ne va faire que qu'engendrer al fitan encore plus. D'accord? Ça va ne faire que engendrer al fitan. Le prophète alayhi salatu wa salam ici nous indique de quoi? Quand il y a le fitan, éloignez-vous du fait de répondre au mal par le mal. Éloignez-vous des gens de Al-Fitan. Et ne soyez pas parmi les gens qui sont la cause de la propagation de Al-Fitan wal-Iyadu Billah. D'accord? Qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam et qu'est-ce qu'a dit Allah azzawajal sur Fitna? Écoutez bien. Al-Fitna, il y a un hadith. Certains gens de science l'ont considéré bon, d'autres l'ont considéré faible. Walakin min haythu al-ma'na la shakka annahu ya'ni sahih. Ici, du point de vue du sens, on voit qu'il y a quand même quelque chose de bon et d'authentique. Écoutez bien, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Al-fitna na'ima. La'ana Allah. Écoutez bien, la fitna, elle sommeille. Elle dort, elle sommeille, ici dans chacun d'entre nous. Dans chacun d'entre nous. Allah Azza wa Jal maudit. Allah Azza wa Jal maudit. Man ayqadha. Celui qui la réveille. Quelque part ici le prophète rappelle, même si Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, là, ici, jugé faible, on prend le sens. Ici, la fitna ici, elle est dans chacun d'entre nous. Et le prophète aurait dit qu'Allah maudit celui qui la réveille, cette fitna. Parce que là, ça nous rappelle ici, ayu al-ahibba, que celui qui réveille la fitna, qui est la cause de la fitna, qui propage la fitna qui dormait en lui, il mérite d'être maudit par Allah Azza wa Jalla wa al-'Iyadhu Billah. Encore une preuve que quoi? Le fait de propager le fitna, ce n'est pas une mince affaire. Et c'est quelque chose de très grave. Ashabul fitan, qui sont-ils? Les gens qui répandent al-fitan, les troubles, qui sont-ils? On a vu le prophète alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Dans le hadith rapporté par Ahmad, jugé authentique par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si on entre chez l'un d'entre vous, soyez comme... comme qui? Comme Habil, d'accord? Il nous rappelle le prophète alayhi salam, donc ne provoquez pas, n'attaquez pas, on est d'accord. Donc ça c'est la preuve, ici si on comprend bien ce hadith, que les gens qui aiment le fitan, c'est ceux qui provoquent. Ad-dalil al-thani, la deuxième preuve. On parle pas avec passion et avec plaisir. On parle avec les preuves du Coran et de la Sunna bi fahmi salaf al-umma. Qala Rasulullah alayhi salatu wa salam. Prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il dit? N'insultez pas vos parents. C'est grave ou pas d'insulter ses parents? Grave. N'insultez pas vos parents. Si maintenant toi tu vois deux personnes, une personne qui insulte les parents d'un tel, d'accord, d'une autre personne, qu'est-ce que tu vas dire? Tu es grave, tu as un mauvais comportement, tu n'as pas honte. Et certes c'est un mauvais comportement. Tu n'as pas honte, tu as insulté ses parents. Mais celui qui a de la science, il va chercher à comprendre pourquoi la deuxième personne a insulté ses parents. Et si la première personne elle dit, parce que j'ai insulté ses parents, il a insulté mes parents, on lui dira, c'est toi qui as provoqué ça, assume tes responsabilités. Tu as insulté tes propres parents. C'est vrai ou pas? La preuve de cela. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, n'insultez pas vos propres parents. Et dans une version, ne les maudissez pas. As-sahaba radiyallahu anhu wa ardahum, ils ont dit, ya Rasulallah, comment nous, on va insulter nos parents? Comment des gens peuvent insulter leurs parents? Il dit, na'am. Il dit, tu insultes les parents d'un tel, et celui que tu as insulté, dont tu as insulté ses parents, il va t'insulter. C'est toi qui as été la cause qu'on insulte tes parents. C'est toi qui as provoqué le fait qu'on insulte tes parents. C'est comme si toi-même tu as insulté tes parents. Pourquoi? Car toi tu as provoqué le fait que la personne insulte tes parents. Alayhi afdalu salati wa askat taslim. Ça nous rappelle encore que quoi? Quand il y a des troubles, ceux qui provoquent les troubles sont parmi les plus mauvais des gens. Wal'ayyadhu billah. Sont parmi les plus mauvais des gens. Et ce sont eux qui ont été la cause du mal qui arrive aux gens autour d'eux. Et si même ce mal se retourne contre eux, ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Car ce sont eux qui ont provoqué. Les preuves du Coran et de la Sunna bi fahmi salaf al-umma. Il faut savoir que le fitna, ayu al-ahibba, ici, seuls les gens de science sauront comment résoudre les problèmes concernant al-fitan. Et ils remarqueront et ils verront al-fitan, les troubles, avant qu'elles ne viennent. Amma al-juhala, ils vont remarquer et reconnaître al-fitna lamma waqa'at, quand elle a lieu. Elle a lieu la fitna ou elle a eu lieu. Khalas, ils vont dire, oh c'est une fitna. Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu wa arda, il disait, ahlul ilm, les gens de science, qala al-ulama, wa minhum Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, wa ghayru min ahlil ilm. Ils disent, quand on dit ahlul ilm, ça englobe al-ulama et en dessous d'eux, tullabul ilm, les étudiants en sciences. Tout étudiant en sciences est considéré comme étant parmi min ahlil ilm. Les gens de science, ceux qui détiennent la science et à leur tête al-ulama, Hudhayfa disait, les gens de science, les savants, ils voient le fitna bien avant qu'elle arrive. Bien avant qu'elle arrive, ils la remarquent. Comment ils la remarquent? Est-ce qu'ils connaissent le ghaib? Abadan. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit, nul de ceux qui sont dans les cieux et de la terre ne connaissent l'invisible, l'inconnaissable, si ce n'est Allah Azza wa Jalla. Lakin, de par leur sagesse, de par leur science, qu'Allah Azza wa Jalla leur a donné la bonne compréhension, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala leur a donné de la religion, ils ont atteint une certaine clairvoyance, basira, qui leur permet de voir et remarquer des signes précurseurs concernant Al-Fitan. Hudhayfa disait, les gens de science voient le fitna avant qu'elle arrive. Amma, les ignorants, ils voient le fitna quand elle a eu lieu. Quand elle a eu lieu. C'est pour ça que quelquefois les gens de science, on les entend dire, réagissez pas comme ça. Ou réagissez de telle manière. Et les gens qui sont autour, en général, ils disent, mais on ne comprend pas. Par exemple, quand quelquefois il y a des choses qui se passent, même à notre époque, il y a des jeunes, ils veulent faire des choses, ils s'énervent, ils confondent tout. Ils disent, voilà, on attaque des musulmans en Palestine, donc ici nous sommes en France, il faut qu'on fasse un attentat. L'ulama, il condamne. Vous faites n'importe quoi. Vous parlez pas avec science, walakin, avec quoi? Poussé par vos passions et vos plaisirs. Poussé par une logique qui ne découle pas de la bonne compréhension du Coran et de la Sunna bi fahmi salaf al-umma. Et certains ne comprennent pas. Mais non, mais pourquoi? Ça c'est... Abadan. Parce que les gens de science, ils voient le fitna avant d'arriver. Ils pèsent le pour et le contre. Ils savent qu'il y a énormément de mal dans telle situation, plus que dans l'autre situation. Ils savent ce qu'ils disent. Donc quand les savants disent une chose, sami'na wa ata'na, on entend et on obéit. Ahlul ilm, ils sont mieux placés pour nous, ici, pour dire que ceci est meilleur pour nous ou pour la communauté, ou ceci est plus mauvais pour nous ou pour la communauté. Ce n'est pas n'importe qui et ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Hudhayfa disait, les gens de science remarquent la fitna avant qu'elle arrive, tandis que les ignorants se rendent compte de la fitna quand elle arrive. C'est pour ça que quand les gens de science disent, attention, telle chose apportera une fitna, ici, éloigne-toi de cette chose. Telle personne fait partie de Ahlul Fitan, éloigne-toi, car sinon, tu te seras rapproché des gens de l'fitan et de la fitna. Et quand elle aura lieu, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِينَ, c'est avec ce que nos mains ont causé. Tu as été responsable. Et quand il y a le fitna, il y a Abdallah, celui qui est assis est meilleur que celui qui est debout. Celui qui est debout est meilleur que celui qui marche est meilleur que celui qui court. Éloigne-toi de l'fitan, ya Abdallah. Al-fitan qui touche la communauté. Qui touche la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, qui touche la umma, qui touche l'islam, wal'iyadu billah. Donc ça, il faut prendre garde contre le fitan ayu al-ahibba et revenir aux gens de science. Et revenir aux gens de science. Al-fitnatu tanqasimu ila qismain. La fitna, comme disent les gens de science, elle se divise en deux catégories. Al-fitna. Il y a fitanu shubuhat, et il y a fitanu shahawat. Il y a les troubles. Donc on a dit le fitan, c'est quoi? Quelque chose de blâmable. Un test, un examen, des troubles. D'accord? Pour mentionner quelque chose de blâmable. En général, quand il y a des meurtres. Naam? Quand il y a des problèmes, de la division, des choses mauvaises, blâmables. Mauvaises aussi pour la communauté. On dit c'est une fitna. On a compris. Ici, il y a le fitna qui concerne, ou bien le fitan qui concerne ash-shubuhat. Tout ce qui concerne les ambiguïtés, dû à la mauvaise compréhension, comme on va le voir. Et il y a al-fitan qui concerne al-shahawat, les passions. On va commencer avec fitnatu shahawat, la fitna des passions, dues aux passions. Ils en sont nombreuses, c'est-à-dire le fait d'être éprouvé à cause des passions, d'accord? À cause des plaisirs mondains. Ça, c'est une fitna. Par exemple, quelqu'un qui est tombé dans l'amour de l'argent. On va dire qu'il est tombé dans la fitna de l'argent. D'accord? C'est une fitna pour lui, l'argent. On lui dira à cette personne, pour lui, l'argent, c'est une fitna. Ah, quand on dit une fitna, c'est-à-dire quelque chose de mauvais, blâmable. D'accord? À quel moment on dira que cette personne est tombée dans une fitna concernant l'argent? Pas tout le temps. Si il a mal utilisé cet argent. D'accord? Et on va le revoir, incha'Allah ta'ala, par la suite. Ala kullin, ici, Allah Azzawajal, il a parlé plusieurs fois de l'fitan concernant al-shahawat dans le Qur'an al-Karim. Il dit, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. Allah Azzawajal, il parle de quoi? Des passions, ici, qui ont frappé l'être humain al-insan, et qui frappe l'être humain al-insan. Et il dit Allah avec une traduction approximative, on a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. D'accord? Les femmes, les enfants, trésors thésaurisés, d'or et d'argent, chevaux marqués, bétail et champs, tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est auprès d'Allah Azza wa Jal qu'il y a un bon retour. Donc Allah Azza wa Jal nous rappelle ici ce qu'attire l'être humain. Et ça, c'est des... Ça rentre dans le shahawat, d'accord? les femmes, les enfants, l'argent de façon générale, les chevaux, etc. Donc maintenant on peut dire les belles voitures, etc. Donc on comprend. Tout ce qui pousse, d'accord, l'être humain à être attiré. Et ça, ça rentre dans fitnatu shahawat, ou fitanu shahawat. D'accord. Ici, Allah Azza wa Jalla, il parle de cette fitna. Et il dit, on est toujours dans les passions. Innama amwalukum wa awladukum fitna. Il utilise fitna encore. On parle de quoi? De ce qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans le verset coranique précédent. C'est-à-dire, on parle de quoi? Al-amwal, d'accord? Innama amwalukum wa awladukum fitna. On parle des enfants aussi. Allah, il a parlé des femmes, il a parlé des enfants. Ensuite, il a parlé de ce qui a rapport avec l'argent. Allah Azza wa Jalla dit, innama amwalukum wa awladukum fitna. Ah. Il y a dans vos biens et dans vos enfants une fitna. Une fitna. On est d'accord. Pourtant, on a dit, fitna, c'est tout ce qui est blâmable, mauvais. Est-ce que l'argent est mauvais? Et est-ce que les enfants sont quelque chose de mauvais? Alors, on continue, inch'Allah. Ici, Allah dit dans le Coran al-Karim, وَنَبَلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Voilà, pour bien comprendre. Allah Azza wa Jalla dit, on va vous éprouver par le mal, par le mal et le bien à titre de tentation. Par le mal et le bien à titre de tentation. Ici, on voit quoi? Al-sharru fitna wal-khayru fitna. On a compris. Al-sharru fitna wal-khayru fitna. Ici, quand Allah Azza wa Jalla, il nous parle ici des biens. Il nous parle des enfants. Il nous parle ici de l'argent, d'accord, de façon générale, dans le verset coranique. Ici, il nous rappelle que c'est une fitna si on utilise ces biens provenant d'Allah Azza wa Jal, d'une mauvaise façon. C'est-à-dire que les enfants, la femme, l'argent, ça nous permet pas de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal, mais bien au contraire, c'est une cause qu'on s'éloigne du rappel d'Allah Azza wa Jal. Ça devient une fitna. À la base, c'était une ni'ma. À la base, c'était une ni'ma. وَلِذَا قَالَ جَلَّ وَعَلَى وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ. Ah, c'était un khayr. D'accord? À la base, c'était un khayr. Le fait d'avoir des enfants, c'est un khayr ou pas? C'est un bien? C'est un bien. Le fait d'avoir une épouse, c'est un bien ou pas? C'est un bien. Le fait que, ici, une personne a de l'argent, c'est un bien ou pas? C'est un bien à la base. Comment tu vas faire le hajj, le pèlerinage? Comment on va construire des mosquées? Comment tu vas nourrir ta famille? C'est un bien ou pas? C'est un bien d'avoir de l'argent. D'accord? L'argent ne fait pas le bonheur. Ça, c'est une définition erronée. Nous, on n'a pas ça dans l'islam. On dit, l'argent fait le bonheur à partir du moment où tu utilises cet argent conformément au Coran et à la Sunna, bi fahmi salaf al-umma. Là, à ce moment-là, l'argent, il fait le bonheur. Qui va dire le contraire? Tu vois un pauvre qui vient et qui dit, akhil habib, ana faqir, je n'ai pas d'argent, je suis pauvre, nécessiteux, mais ma femme, mes enfants n'ont pas mangé depuis des mois. Tu sors 500 euros, 1000 euros, tu lui dis, tiens, akhil habib, est-ce qu'il va être heureux? Oui ou non? Naam. Est-ce qu'Allah va être satisfait, inshallah, de cette action? Oui ou non? Naam. Qui va dire l'argent ne fait pas le bonheur? Ça fait le bonheur. Ici-bas et dans le delà, bi-idnillah. Si tu l'utilises comme il se doit. C'est pour ça qu'Allah, il dit, et il rappelle qu'à la base, tout ceci est un khayr. Mais, ici, ça peut devenir une fitna. Ah, ça peut devenir une fitna. C'est pour ça, Allah, Azza wa Jalla, il dit, écoutez bien, innama amwalukum wa awladukum fitna. C'est-à-dire, bima'na, il y a dans votre argent et dans vos enfants une fitna dedans. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il dit qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, ou min as-sahaba, il y avait ceux qu'il, parmi les compagnons, il y avait ceux qui voulaient rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam à Médine pour apprendre la religion, pour bénéficier de le fawaï, des profits, des bénéfices venant du prophète alayhi salatu wassalam, bénéficier de sa présence. Car il savait que être présent, ce n'est pas comme entendre une parole qu'on nous rapporte d'une personne qu'on veut rencontrer, ça n'a rien à voir. Comme si on disait une personne qui va écouter un cours à travers un audio, est-ce que ça va être la même chose s'il était présent en direct en face de la personne qui transmet? Ça ne sera pas pareil. Ça ne sera pas pareil. Donc ici, ils voulaient voir le prophète, mais qui les a retenus? An-Nisa, leur femme. Et il leur disait, mais restez avec nous, il y a ceci, il y a cela, les responsabilités, les enfants, restez, ils sont restés. Et quand ils ont vu, après ils se sont rendus compte de tout ce qu'ils ont perdu, quand ils sont partis rejoindre le prophète, ils sont revenus, ils les ont Ils ont fait quoi? Ils ont commencé à les blâmer. Frapper, attention, nous en islam, quand on dit frappe, il y a deux types de frappe. Il y a la frappe pour châtier, et la frappe pour éduquer. Quand on parle de frapper, par exemple, quand le prophète a.s. il disait à 10 ans, frappez-les les enfants, ça n'a jamais été ici. Il n'y a aucune preuve qui confirme cela, frapper violemment. Voilà, c'est le fait, c'est un terme pour utiliser les secouer, les éduquer. D'accord? D'accord? C'est pas frapper violemment, a'oudzubillah, ça c'est interdit en islam. Donc ici, ils les ont blâmés, leurs épouses. Et Allah a révélé le verset coranique, innama amwalukum wa awladukum fitna. D'accord? Allah Azza wa Jal, il rappelle ici, non, un autre verset coranique. L'autre verset coranique, inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Afwan. Dans un autre verset coranique, Allah Azza wa Jal, il a révélé le verset coranique, Allah Azza wa Jal, quand il dit, il y a dans vos épouses, d'accord, et vos enfants, une fitna, un ennemi pour vous, afwan, un ennemi, aduwan lakum, fahdharuhum, un ennemi pour vous, surveillez-les, d'accord, fahdharuhum, surveillez-les. Et c'est à ce moment-là où il a été révélé ce verset coranique. D'accord, Allah Azza wa Jal, il dit, il y a un ennemi en vous, c'est-à-dire, est-ce qu'on va dire que nos femmes sont des ennemis, nos enfants des ennemis? Non, mais à partir du moment où la femme et les enfants t'empêchent d'avancer dans la religion, il y a quelque part un ennemi pour toi, pour ta religion. Ça devient quelque chose, ici, ça devient comme un ennemi pour ta religion. D'accord? Ils sont un obstacle pour ton avancée dans la religion. D'accord? Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allah. Ensuite, Allah Azza wa Jalla leur a recommandé aux compagnons de quoi? De pardonner. D'accord? Et d'effacer l'erreur. Na'am. Allah Azza wa Jalla est certes miséricordieux et sa miséricorde dépasse sa colère. Mais il rappelle que quoi? Attention. Ici, la prochaine fois, ça c'est une exhortation, pas que pour Sahaba radiyallahu anhu wa ardahum, mais pour l'ensemble de la communauté. Il ne faut pas que les enfants, que la femme, pareil, que les biens, ici, nous distraient du rappel d'Allah Azza wa Jal. La tulhikum amwalukum wa la awladukum min dhikr aw an dhikri Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal rappelle que quoi? Que ni vos enfants, d'accord? Et ni vos biens et ni vos enfants ne vous distraient de quoi? Tu rappelles d'Allah Azza wa Jal. Tu rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que ni tes biens, ni ta femme, ni tes enfants ne soient un obstacle pour ton avancée dans la religion. Et si ta femme, tes enfants et tes biens, c'est bien fait, c'est des biens, ce khayr, ce bien, tu l'utilises comme il se doit, à ce moment-là c'est un bien et ça s'appelle une ni'ma. Mais quand ce bien qui est à la base un bien, tu l'utilises d'une mauvaise façon ou il t'éloigne du rappel d'Allah, ça devient une fitna. D'accord? C'est une fitna. Tu as de l'argent, tu donnes fi sabilillah, tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal, ça te fait pas oublier le rappel d'Allah, tu ne t'enfles pas d'orgueil parce que tu as beaucoup d'argent, tu utilises de la bonne façon, on dit que cet argent c'est une, pourquoi? Pour toi une ni'ma. Tu as cet argent, tu commences à t'enfler d'orgueil, tu l'utilises dans le mal, dans l'illicite, ça t'éloigne d'Allah Azza wa Jal, c'est une fitna. Si tu as une épouse, ici qui te permet d'avancer dans la religion, c'est une ni'ma. Si tu as une épouse qui t'empêche d'avancer dans la religion et qui te dit je veux pas cette religion, etc., ne va pas à la mosquée, etc., c'est une fitna. Tu as des enfants, alhamdoulilah, tu les éduques dans l'islam, selon le Coran et la sunna bi fahmi salafi l'umma, et tu as le souci que ce soit des gens vertueux qui invoquent Allah Azza wa Jal pour toi et qui soient au service de la communauté, et qui acquièrent un bon comportement, non seulement avec les musulmans, mais avec les non-musulmans, c'est une ni'ma. Si tu as des enfants et tu penses que simplement la bonne éducation c'est de les habiller bien et de temps en temps les ramener à la mosquée pour avoir bonne conscience, un matin tu les laisses devant la télé de jour comme de nuit et tu pourris leur éducation et tu trahis cette responsabilité que tu as, ici c'est une fitna pour toi ya Abdallah. Wa hakada. Allah Azza wa Jal te donne une responsabilité. Tu es gouverneur, tu es président, tu es je ne sais quoi, tu as une responsabilité et tu utilises cette responsabilité conformément au Coran et à la sunna bi fahmi salafi l'umma et tu sais que c'est une amana, c'est un dépôt, cette responsabilité c'est une pour toi, une ni'ma. Si tu l'utilises de la mauvaise façon et tu agresses les gens et tu opprimes les gens et tu t'enfles d'orgueil sur les gens et tu utilises cette chose ou alors cette chose au nom de la religion pour faire du mal aux gens ou alors voler de l'argent ou t'accaparer de l'argent ou autre, c'est une fitna pour toi. Donc c'est une chose, on a dit, un test, un examen, ici, qui indique le caractère blâmable, détestable. C'est une fitna pour toi. Wahakada. La preuve de cela, on a rappelé que avoir de l'argent à la base, c'est un bien. La preuve, on a dit, tu fais le pèlerinage, tu construis la mosquée, tu rends des gens heureux, tu fais, yani, sadaqat, ici tu donnes des aumônes, et ici on sait que sadaqat, ça éteint la colère d'Allah Azza wa Jal. D'accord? On sait très bien que c'est un bien. La preuve que ça peut être une fitna et un mal pour toi. On parle de la même chose. D'accord? De la même chose. Donc on a dit que le fitna, on a parlé de le fitna que ça concerne quoi? L'être humain aussi. La personne peut, ici, avoir le fitna, elle, et répandre le fitna wal ayyadu billah. On doit s'éloigner de le fitna. D'accord? Concernant les êtres humains, c'est-à-dire si c'est la fitna, c'est un être humain qui la détient ou qui la propage, on s'éloigne de ça. La fitna en elle-même, les troubles, on s'en éloigne, d'accord? Et ici, la fitna, même si elle touche de l'argent, on s'éloigne de cet argent aussi. Si ça concerne des enfants, on s'éloigne de cette fitna en changeant notre intention et en se réformant au maximum, d'accord? Avec les enfants, on n'a pas le choix. On ne va pas divorcer avec nos enfants. D'accord? Ama, si quelqu'un te pose la question, je suis marié avec une femme qui ne fait pas la prière, qui ne veut pas la prière, qui ne reconnaît pas le caractère de la prière et qu'elle dit, moi je veux plus que tu pries. Ici, est-ce qu'on dit, éloigne-toi de la fitna en la divorçant, oui ou non? Naam. D'accord? Naam. Bien sûr, après exhortation et autres, si elle persiste, ça c'est clair et net. Ce n'est pas le même cas où la femme va nous dire, oui mais ma femme, moi je viens de rentrer dans la religion, on s'est rencontrés, on n'était pas dans la religion, maintenant moi je prie, j'ai un certain niveau, elle fait pas toujours ses prières à l'heure, mais elle prie, non, là on va lui dire patiente, mais si je pars dans l'excès, à titre d'exemple, pour vous montrer que réagir avec yani une personne qui est notre épouse, la réaction qu'on doit avoir envers notre épouse, si cette femme détient elle fitna ou est une fitna en soi-même, n'est pas la même réaction qu'on va adopter avec nos enfants. Parce que nos enfants, on ne peut pas se séparer d'eux. Vous avez vu? Donc là, on est obligé de patienter et de réformer. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Là, tu n'as pas le choix. Donc, c'est pour te rappeler que ton comportement et les réactions que tu vas avoir quand tu verras des gens qui détiennent la fitna ou qui propagent la fitna, elle ne sera jamais la même. Parce que ton comportement va changer d'après la situation de telle ou telle personne. Ça dépend de qui tu es en face de toi. On est d'accord. On revient sur l'argent qui est un khir et qui devient une fitna. D'accord? وَنَبَلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. D'accord? Allah, il a dit, on va vous éprouver par le mal et le bien à titre de tentation. Donc le mal, c'est une fitna. Par exemple, le mal, il t'arrive un mal, quelconque mal, c'est une fitna, c'est clair. Le bien, les gens vont dire le bien. Na'am, le bien, c'est une fitna. Par exemple, quelque chose qui est un bien à la base, c'est une épreuve. Mais cette épreuve, ça reste une épreuve. On est d'accord. Je ne dis pas une fitna avec la définition qu'on a dit, c'est-à-dire que c'est une épreuve qui montre le caractère blâmable. Non. Mais c'est un examen ou pas? C'est un examen. C'est-à-dire Allah te donne de l'argent halal. D'accord, halal. C'est une ni'ma, mais c'est un examen. Imtihan. D'accord, c'est un examen. C'est une épreuve. Ibtila. Pourquoi? Allah, il te le donne pour voir si tu vas l'oublier. Si tu vas être dépassé par les événements ou si tu vas utiliser cette ni'ma comme il se doit. Si tu l'utilises bien, tu as réussi l'examen et tu restes dans une ni'ma et tu dois toujours être sur tes gardes car tu es toujours dans un examen. Si tu n'as pas réussi cet examen, tu es tombé dans l'examen qui est blâmable, al-fitna. D'accord? Ça nous rappelle que toute notre vie, on est dans un examen. هذه الدنيا دار الابتلاءات. Cette vie d'ici-bas, c'est ici une maison, une demeure d'épreuves, d'examens. Que tu sois dans le bien, tu es éprouvé. Que tu sois dans le mal, tu es éprouvé. Quand tu es dans le bien, tu es éprouvé. Si tu réussis bien cette épreuve, tu es dans le bien, tu restes dans le bien, mais tu es toujours éprouvé. Si tu ne passes pas bien cet examen, tu tombes dans la deuxième épreuve accompagnée d'une chose blâmable qui est quoi? Al-fitna. D'accord? Certaines personnes, Allah Azza wa Jal, leur a donné de l'argent. Bien plus que cela. Il a vu qu'ils étaient égarés, Allah leur a ouvert encore plus les portes. La preuve que c'est un examen à l'argent. Pourtant, à la base, on est d'accord que c'est un bien. Allah, il dit dans le Coran al-Karim. Il dit, subhanahu wa ta'ala, وَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ. Subhanallah, quand ils ont oublié. فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبَلِسُونَ فَقُتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, puis, lorsqu'ils eurent oublié, donc normalement ils ont oublié le rappel d'Allah, Allah azza wa jal, il est châtié. Mais Allah azza wa jal, il les a éprouvés, encore plus. Khlas. Pour rappeler que quoi, quand tu vois que tout va bien pour toi, crois pas ici que ça et tout va bien pour toi, c'est que c'est un grand bien et que c'est un bien si tu te comportes comme il se doit. Sinon, c'est un grand mal pour toi. La preuve, Allah, il dit, puis lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé. Qu'est-ce qu'a fait Allah Azza wa Jal? Fatahna alayhim abwaba kulli shay. Allah, il dit, on leur a ouvert, non seulement ils ont oublié, se sont écartés du rappel d'Allah, revenez, non, ils restent insouciants. Allah, il dit, khlas, vous restez insouciants. Nous leur ouvrîmes alors les portes donnant sur toute chose d'abondance. Hajib. Ils étaient dans l'égarement. Allah Azza wa Jal, il fait qu'il y a des gens qui leur ont rappelé, revenez vers le bien. Ils persistent. Allah, il dit, khlas, vous voulez ça? Allah, il leur rajoute de l'abondance. Fatahna alayhim abwaba kulli shay. Et Allah leur a rajouté, il leur a ouvert les portes de l'abondance. Ensuite, Allah, il dit, et lorsqu'ils eurent exulté de joie, hatta idha farihu bima utu, ça, ils ont exulté de joie, parce que, dû à quoi ce qui leur a été donné? Khlas, ils étaient très heureux. Subhanallah, on est dans le bien, on s'égare encore plus, on a encore plus de bien, donc tout va bien alors. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, à ce moment-là, nous les saisîmes soudain, c'est-à-dire, barta, sans qu'ils se rendent compte, de façon brusque, soudain, et les voilà désespérés. C'est ça le nihaya, c'est ça la fin. Ici, ne crois pas, ya Abdallah, que quand tu vois par exemple une personne qui opprime les gens, et tout va bien pour lui, et plus tu vois que tout va bien pour lui, ici je te dis, sache que le châtiment est très proche. Ad-dalilu ala dhalik, le prophète alayhi salatu wasalam dit dans le sahih, avec une traduction approximative, Allah azza wa jal, il tend la corde à celui qui oppresse, qui est en train de dhlam les gens. Il l'aide. Khlas, il le laisse. Il lui laisse un répit. Khlas, il le laisse encore plus noyé dans son agression, dans son oppression. Mais quand il le saisit, il ne le rate pas. Quand il le saisit, il ne le rate pas. Donc ici, ça, c'est un décret d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il voit une personne persister dans l'égarement et dans le mal, il le laisse encore plus. Et quand tu vois qu'il arrive au summum du mal, pourtant il est dans un mal, sache que khlas, al-adab, qarib. Le châtiment, le fait qu'Allah va le saisir, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va descendre, peut-être sa malédiction, sa colère, al-ghadab, ici sache qu'elle est très proche. Allah dit, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Khlas, ils se sont retrouvés désespérés. La preuve que quoi? Quand tu as des biens, attention. Utilise les biens. Quand tu vois que tu es ni'ma, n'importe quel bienfait, que ça soit ta religion, que ça soit ta science, que ça soit tes biens, que ça soit ta famille, que ça soit n'importe quelle chose, c'est un bien, sache que c'est une épreuve. Allah, il te teste, c'est un bien. Khlas, tu es dans le bien. À chaque fois que tu dis, Wallah, je suis dans le bien. Wallah, je vis une bonne chose. Wallah, c'est un bienfait d'avoir ça. Wallah, sache que c'est un examen. Allah, il te teste. Comment tu vas réagir? Est-ce que tu vas être reconnaissant, comme on l'a dit plusieurs fois, la reconnaissance, c'est quoi? C'est avec le cœur, un fort intérêt, tu dis, alhamdulillah, que j'ai ce bien. Avec la langue, tu le dis clairement. Wa amma bi ni'mati rabbika fa fahaddith. Et concernant le bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Et avec les actions, c'est-à-dire que tu vas utiliser ce bien de la bonne manière, comme il se doit. Est-ce que tu vas être reconnaissant? Et est-ce que tu vas être noyé par ce bienfait? Ou bien, tu vas reconnaître que c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal qui peut disparaître à n'importe quel moment et que ce bienfait c'est une épreuve pour toi. L'argent, la femme, les enfants, le confort, la maison, la voiture, c'est une épreuve. وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Ne sois pas comme les insouciants et les égarés, qui tellement qu'ils étaient dans l'égarement et quand on leur rappelait revient, ils disaient mais ça sert à rien que je reviens. Regarde, plus je suis dans l'illicite ou dans l'égarement et plus ça va bien pour moi. Et ben, rappelle-lui ce verset coranique, dis-lui, Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, et lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes donnant sur toute abondance, Allah leur a donné encore plus de biens, jusqu'à ce qu'ils ont oublié. D'accord? Le rappel, Allah leur a ouvert encore plus de portes d'abondance, et ensuite Allah il dit, lorsqu'ils eurent exulté de joie, ils étaient au sommet, trop heureux de ce qu'ils ont fait, alors qu'ils sont dans l'égarement, en raison de ce qu'ils leur avaient donné, nous les saisîmes soudain, et les voilà désespérés. C'est pour ça que tu verras une personne qui est dans l'égarement, même s'il a eu une vie je ne sais quoi, dans le bien, dans je sais quoi, il a tout vécu, mais il était dans l'égarement, ou dans le haram, ou dans l'illicite, regarde la fin de sa vie. Est-ce qu'il est désespéré ou pas? Fawarabbil Ka'ba, ils sont toujours désespérés. Les gens qui ont vécu dans l'égarement, dans le haram, dans l'illicite, et qu'Allah Azza wa Jalla a vu qu'ils étaient dans l'illicité, Allah leur a ouvert encore plus de portes dans l'abondance. Le résultat, c'est ce qui nous importe. Innamal a'malu bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. La fin, c'est quoi? Il est désespéré. Et il ne lui reste que quelques souvenirs du mal qu'il a fait. Wal'iyadhu billah. Ça, c'est concernant fitanu shubuhat. Ou bien fitanu shahawat. Fitanu ash-shahawat. Ça, c'est on est dans les passions. Amma fitanu shubuhat. Ici, les savants disent que c'est encore plus grave. Car celui qui est tombé dans shahawat, il se repent. وَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Celui qui se repent, Allah accepte son repentir. Même s'il a fait n'importe quel péché, الزِّنَا, fornication, voler de l'argent, tuer, trahir, voler, عَلَى كُلِّ, n'importe quel grand péché, ici, il se repent, Allah accepte son repentir, inshaAllah ta'ala. D'accord? De façon générale, on dit Allah Azza wa Jal, il accepte son repentir. D'accord? InshaAllah, si Allah accepte. Walakin, la porte du repentir est toujours ouverte. Il se repent. Et en général, ce qui est dans shahawat, il sait qu'il est dans shahawat ou pas. Quelqu'un qui est dans zina, quelqu'un qui est noué par l'argent, quelqu'un qui est dans le haram, quelqu'un, en général, il sait. Walakin, quelqu'un qui est touché par cette fitna, les troubles, l'examen de shubuhat, ça c'est plus grave. C'est comme ahlul bid'ah. Comme ahlul bid'ah, comme ils disent beaucoup de salaf, il dit quelqu'un qui fait une innovation est dans un cas plus grave que celui qui commet un grave péché ou un grand péché. Pourquoi? Celui qui commet un grand péché va dire, je sais que c'est haram. Je bois de l'alcool, je fais zina, je sais que c'est haram. Donc peut-être demain, après-demain, il va se repentir. Mais quelqu'un qui est tombé dans les ambiguïtés, par exemple, al-bid'ah, l'innovation. Et on a dit l'innovation, c'est quoi en islam la définition? C'est tout ce que le prophète, tout ce qui a été apporté, ou tout ce qui est fait après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, dont le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais fait, biqasdi ta'abbud, avec l'intention d'adoration. D'accord? Toi tu fais une chose après la mort du prophète que le prophète n'a jamais fait, mais t'as l'intention, t'as une bonne intention, mais ça suffit pas. Il faut avoir la bonne intention et que l'action soit conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord? Alors qu'il le fait, et il a une bonne intention, mais il n'y a aucune preuve, ni du Coran, ni de la sunna, que le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait. Par exemple, une personne va dire, moi je fais dhikrullah, c'est bien ou pas? C'est bien. Je dis subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, c'est bien ou pas? C'est bien. Voilà qu'il veut le faire après chaque prière et je veux me lever et dire à tout le monde, on le fait tous ensemble. C'est bon ou pas? Est-ce que le prophète l'a fait? Non. Donc ton intention, elle est bonne ou pas? Elle est bonne. Mais est-ce que ça suffit d'avoir une bonne intention? Non. Il faut avoir une bonne intention et que l'action que tu fais soit conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Là, ton action est acceptée, sinon elle est rejetée. Et les gens qui sont dans l'innovation, pourquoi c'est plus grave? Parce que eux, ils croient qu'ils sont dans la vérité. Pourquoi? Ils disent, notre intention est bonne. Donc celui-là, pour qu'il se repente, c'est très très très, on va dire c'est rare, et il est tellement éloigné que c'est très difficile pour lui de se repentir. Tandis que celui qui fait un péché clair, il va te dire, mais je sais que c'est haram, zina. Il va pas te dire, non c'est pas, c'est clair. Mais celui qui fait une innovation, il va te dire, mais non c'est pas haram parce que, et c'est ceux qui sont tombés dans shubuhat, les ambiguïtés. Et shubuhat, les ambiguïtés, c'est dû à quoi? À cause de quoi? Sou al-fahm. La mauvaise compréhension, sou al-fahm, malheureusement. Et c'est pour ça Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala, il dit, la majeure partie des sectes et des groupes qui ont dévié sont apparus à cause de quoi? La mauvaise compréhension. La mauvaise compréhension. Naam. Et c'est pour ça qu'on dit, pour s'éloigner de fitanu shubuhat, il faut apprendre sa religion à la basira, avec clairvoyance, sur une clairvoyance ici, et avoir une bonne compréhension. Man yuridillahu bi khayrin yufaqqihu fi din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre cette religion. Faut comprendre bien la religion, se référer aux gens de science et ne jamais s'écarter des gens de science et du rappel et des assises d'évocation et d'invocation pour pas tomber dans l'ignorance. Et quand tu tombes dans l'ignorance, comme a dit Ibn al-Jawzi, tu tombes dans quoi? Tu tombes dans les ténèbres. Plus tu t'éloignes de la science, plus tu t'éloignes de la lumière. Et quand tu t'es éloigné de la lumière, tu tombes dans les ténèbres. Et quand tu es dans les ténèbres, Shaitan y fait de toi ce qu'il veut. Et c'est la première des choses que Shaitan veut faire envers une personne, l'éloigner de la science. Comme ça, il est dans les ténèbres, wal'iyadhu billah, il dit n'importe quoi. Il voit ce qu'il ne faut pas voir, il entend ce qu'il ne faut pas entendre, il réagit comme il ne faut pas réagir, il va dans les endroits où il ne faut pas y aller, wal'iyadhu billah. Et pour s'éloigner de l'fitan, de façon générale, ayu al-ahibba, al-ulama, ils ont dit trois choses. Et il y a plusieurs choses, mais je vais réunir ici trois choses qui sont essentielles. Il y a awalan ad-du'a, comme a dit al-Mustafa alayhi salatu wassalam, wal hadith rawahu Muslim, il dit ta'awadhu billah min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Le prophète Ali Samidi dans Sahih Muslim, implorer la protection d'Allah contre les fitan, les troubles, tant ceux apparents que cachés. Awalan ad-du'a. D'accord? Tu dis à Allah Azza wa Jalla de te préserver des fitan, des troubles, tant apparents que cachés. Comme a dit alayhi salatu wassalam, ta'awadhu billah min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Awalan ad-du'a. Deuxième des choses, restez toujours avec le groupe. الجماعة الرحمة والفرقة عذاب، كما قال المصطفى في الصحيح، وقال عليه الصلاة والسلام يد الله مع الجماعة. لماذا الله عز وجل est avec le groupe et la, le groupe c'est toujours une source de miséricorde. Tandis que la division c'est une source de châtiment والعياذ بالله, comme a dit le prophète عليه الصلاة والسلام dans الصحيح. Et la dernière des choses, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit ici, l'adoration en période de trouble équivaut à un exil en ma compagnie. Al-ibadat. Le prophète, il te motive, il te dit, accroche-toi. Fi waqtil fitan, al-ibadat, aux actes d'adoration. Et il dit, alayhi salatu wasalam, kama ja'a fi sahih, l'adoration en période de fitan, de trouble, c'est comparable, c'est équivalent à un exil. Al-hijra, en ma compagnie, la compagnie du prophète, alayhi salatu wasalam. C'est pour ça que le prophète, il nous enjoint à s'accrocher aux actes d'adoration. Et al-ibadat, c'est général. Tout ce que Allah, azza wa jal, aime et agrée, comme parole et acte, apparent et caché, c'est ça. العبادة كما جاء ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. C'est un terme général qui désigne tout ce que Allah aime et agrée comme parole et acte apparent et caché. Sourire à ton frère, c'est une ibada. Aider une personne âgée à traverser la route, c'est une ibada. Faire ad-da'wa, c'est une ibada. Faire la prière, c'est une ibada. C'est très général. العبادة, c'est pas qu'avoir la barbe ou faire la prière. C'est plus général que ça, العبادة. Et on doit s'accrocher à العبادة. Surtout, au moment où il y a Al-Fitan, et ici c'est à quel an Al-Isha 39. Je termine avec ce verset coranique, et c'est une dernière recommandation. Ici une recommandation divine, surtout au moment de Al-Fitan, car on a dit que Al-Fitan venait aussi souvent à cause de la mauvaise compréhension de la religion. Allah dit dans le Coran, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. N'écoute surtout pas les gens qui ont très peu de science ou qui aiment l'égarement, car ceux-là vont égarer de la vérité. Et on a dit que le fitan apparaît souvent à cause de quoi ? Du manque de science et de compréhension religieuse, malheureusement. Allah dit dans le Coran al-Karim, « وَلَا تُطِعْ » Ça, c'est une interdiction. « وَلَا تُطِعْ » Et n'oublie pas. « وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا » Celui dont on a rendu son cœur inattentif à notre rappel. « وَاتَّبَعَ هَوَاهُ » Et qui suit ses passions, ses plaisirs. « وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ » Comment le reconnaître ? وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا Et son comportement est tout transier, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ وَاللَّهُ تَعَلَىٰ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ